La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Les recherches récentes en psychologie montrent que la perception du sens de notre existence a non seulement un impact profond sur notre quotidien, mais fait figure de quête pour un grand nombre d'entre nous. Et cette question du sens intéresse également beaucoup les chercheurs qui publient de nombreux articles sur le sujet. Et ce sentiment serait même plus important aujourd'hui que la recherche sur le bonheur. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré, en partenariat avec le magazine Cerveau Psycho, qui consacre son dernier numéro à ce thème, avec les clés de la psychologie existentielle, pour nous dire peut-être pourquoi on se lève le matin, qu'est-ce qui nous motive et ce qu'on attend par exemple de sa famille, comment trouver un sens à sa vie dans l'immensité qui nous entoure. Question vaste donc à aborder ensemble dans un instant avec vos messages et toutes vos questions. Vous nous rejoignez bien sûr sur le site de La Tête au Carré. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, on va écouter les sons de la forêt tropicale avec vous. Et oui, et on va voir que les sons qu'elle émet nous en disent long sur la richesse de sa biodiversité. Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Comment trouver un sens à sa vie, dossier dans un instant avec mes invités que je salue, le professeur de psychologie Jean-Luc Bernaud et Sébastien Bollère de Cerveau et Psycho. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Jean-Luc Bernaud, la quête de sens, c'est quelque chose d'essentiel évidemment dans l'existence. Et c'est une question qui n'est vraiment pas nouvelle, hein. C'est une question très ancienne qui a toujours traversé les écrits et les préoccupations des êtres humains, parce que c'est une question qui traverse les âges et qui, dès l'origine, dès que l'être humain a été en mesure de penser son rapport au monde, a suscité intérêt, curiosité et questionnement. Donc on la retrouve à tous les moments de l'existence et à tous les moments de l'histoire de l'humanité. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a toujours pas trouvé la réponse alors finalement ? Mais on la trouve jamais complètement cette réponse. Et heureusement, parce que c'est ce qui nous permet de rester en mouvement, de nous questionner, de dialoguer, d'échanger avec autrui. Et ça, c'est très précieux aussi. Sébastien, dans les nombreux sujets consacrés justement à ce thème dans le dossier de Cerveau Psycho, vous montrez entre autres que des études prouvent que percevoir un sens à sa vie protégerait contre certaines maladies. Oui, c'est effectivement quelque chose qui se dégage des études. Un effet protecteur sur le sens. Hein, du sens, ouais. Oui, oui, c'est-à-dire que quand on trouve un sens à sa vie, on s'aperçoit qu'on est à moins de risques, voilà, d'avoir des maladies cardiovasculaires, même d'avoir de la maladie d'Alzheimer. On est protégé contre le stress, un système immunitaire qui semble plus vigoureux. Finalement, ça se comprend parce que aujourd'hui, on ne distingue plus vraiment la vie de l'esprit, de la vie du corps, tout ça est connecté. Et trouver une cohérence interne, ça a forcément un impact sur le fonctionnement du corps. Allez, on en discute tous ensemble dans un instant. Et bien sûr, on est curieux d'avoir les messages des auditeurs sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr. Et bien sûr, le mot-clé, l'attaque. Voilà, on pourrait y passer tout l'après-midi, hein, Héloïse, dans cette forêt tropicale. Et ce sont bien justement tous ces sons que nous entendons qui nous intéressent à la Une de la Science aujourd'hui. Hein. Absolument, Mathieu. Oui, suivre l'évolution de la forêt tropicale, c'est crucial parce qu'elle abrite environ 80% de la biodiversité de la planète. Alors, pour prendre des nouvelles de la forêt, on peut l'observer par satellite. Mais cette visualisation nous dit seulement où elle a perdu du terrain et où elle est encore debout. Mmh. Elle nous renseigne très peu sur les espèces d'animaux qui vivent dans la forêt qui, à première vue, semblent intègres. Non, le mieux pour savoir ce qui s'y passe, ce n'est pas de regarder la forêt équatoriale, mais de l'écouter. Un article vient d'être publié dans la revue Science et il nous explique en quoi la bioacoustique, c'est-à-dire l'écoute des milieux naturels, est un excellent moyen de surveiller l'évolution de cette biodiversité. Alors pour en parler, nous sommes au téléphone avec Thierry Aubin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur au CNRS et à la tête de l'équipe communication acoustique de l'université Paris-Saclay. Alors pour commencer, je crois qu'on peut dire que vous, des forêts équatoriales, vous en avez beaucoup écouté à travers le monde. Ah oui, oui, oui, tout à fait, oui. On a beaucoup écouté effectivement ces forêts. Et alors en pratique, comment on fait pour écouter une forêt? Parce que c'est assez grand. On met des micro-cravates aux arbres tout simplement. Expliquez-nous succinctement comment ça fonctionne. Ben, écoutez, on met des. Il y a de plus en plus dans le commerce, d'ailleurs, à des prix assez faibles, des petits appareils automatiques qui ont des micros. Donc on peut disperser comme ça dans la forêt et écouter comme ça la forêt et les bruits de la forêt. Et alors la forêt tropicale, est-ce que c'est un milieu facile à écouter ou peut-être plus difficile que d'autres milieux naturels ? C'est un milieu, je répondrai un peu les deux. Au niveau conception, c'est vraiment un milieu à écouter parce que les animaux finalement peuvent... peut utiliser des signaux visuels puisqu'il y a une barrière d'obstacles de végétaux énorme. Et donc ils vont utiliser beaucoup les signalisations acoustiques. Par contre, c'est un milieu qui pour le son est pas forcément idéal puisque c'est un milieu qu'on qualifie de très absorbant pour le son, en particulier pour toutes les fréquences aiguës, mais même les fréquences graves à relativement courte distance sont absorbées. Et alors, on a écouté ce petit extrait sonore, on entend beaucoup de choses. Est-ce que les animaux dans la forêt sont plutôt bavards ou alors il y a beaucoup d'espèces muettes qu'on ne peut pas écouter ? Mais pour les raisons que j'ai évoquées tout de suite, là, c'est en fait, ils sont assez bavards parce qu'ils ont peu de d'autres solutions de communiquer. Hein. Donc le visuel ne marche pas, donc il leur reste l'olfaction et l'acoustique. Et donc ils sont en général très bavards et il y a peu d'espèces muettes. Effectivement. Alors, ça doit être un espèce de capharnaüm quand on réécoute les bandes-son. On a l'impression d'un magma de son. Les espèces ne se coupent la parole, elles parlent toutes en même temps. C'est la réalité de ce que vous entendez ? En fait, les animaux, pour communiquer efficacement, peuvent développer des stratégies, c'est-à-dire ne pas parler en même temps. Profiter de périodes de silence relativement courtes pour lancer leurs signaux, ou alors ne pas parler en même temps dans la journée également, ou alors changer des fréquences, c'est-à-dire ne pas utiliser des signaux aux mêmes fréquences que les voisins qui occupent une fréquence, une bande de fréquences si vous voulez. Et alors concrètement, pour revenir à cette histoire de biodiversité, vous pouvez localiser et compter les individus et donc suivre l'évolution des espèces ? Oui, bien sûr. D'abord, on peut compter soit des communautés, voire ça, c'est un peu le travail de l'écho-acoustique, d'ailleurs, c'est des Français qui ont beaucoup œuvré dans ce domaine depuis plusieurs années, depuis 5-6 ans, en particulier, par exemple, Jérôme Sueur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et on peut donc compter soit des communautés d'animaux, soit des espèces, soit des individus. Parce que chaque individu, c'est comme l'être humain, hein, on a chacun notre propre voix. Et ça, on peut, par analyse, distinguer des individus différents. Donc on peut faire du comptage de communautés, d'espèces, d'individus. Donc ça donne une bonne idée, Thierry Aubin, de la biodiversité justement de la forêt tropicale, cette écoute des sons. Oui, bien sûr, ça peut donner une bonne idée et pratiquer par exemple un suivi d'une année à l'autre, comme c'est expliqué par exemple dans l'article, permet de savoir si le nombre d'espèces a diminué, si la richesse en son est moins grande. Et on peut, pour répondre aussi à l'autre partie de la question, on peut effectivement par les sons localiser des animaux très précisément, hein, c'est ce que nous faisons nous en forêt amazonienne, et en fait il suffit de mettre plusieurs micros si vous voulez, théoriquement si vous mettez 4 micros qui écoutent, comme le son met un certain temps à voyager, il arrivera sur un premier micro, puis sur un second, puis sur un troisième, avec des délais de temps. Et ces délais de temps nous permet, par une opération, ce qui s'appelle la triangulation, de précisément localiser l'émetteur, l'individu qui vient d'émettre. Et je connais déjà un peu la réponse, mais étant donné les mauvaises nouvelles qui nous arrivent, on imagine qu'on entend de moins en moins d'animaux dans la forêt tropicale, vous nous le confirmez ? Oui, bien évidemment. Ça a été d'ailleurs assez montré par des éco-acousticiens, hein, en particulier par exemple par Bernie Krause dans le passé, qui a enregistré une même forêt à différentes années, tous les 5 ou 10 ans, je ne me souviens plus, tous les 10 ans, je crois. Et il a bien montré qu'on allait vers un silence, on partait d'une cacophonie et on allait vers un silence, ce qui veut dire que les espèces disparaissent. Merci beaucoup en tout cas Thierry Aubin pour ces explications et cet écho de votre travail précisément de bioacousticien, entre autres dans les forêts tropicales du monde. Merci à vous et donc publication qui vient de paraître dans Science. Merci beaucoup Héloïse, à demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la France qui vient de se doter d'un des plus puissants supercalculateurs d'Europe, HPCIA, c'est son nom. Sa puissance de travail est équivalente à celle de 15 000 ordinateurs de dernière génération. La capacité de calcul de notre pays est désormais doublée, capable de traiter de gros volumes de données, d'effectuer des calculs complexes. Ce super ordinateur pourra aider les scientifiques dans des domaines aussi variés que la recherche en intelligence artificielle, la simulation de changement climatique ou encore la conception de nouveaux médicaments. Ce petit bijou technologique sera installé au centre de calcul du CNRS en région parisienne et devrait être accessible à partir de septembre prochain. Une école d'apiculture dont la création avait été annoncée par l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg ouvrira ses portes lundi prochain à Dijon. L'école des hautes études en apiculture a pour but de former des entrepreneurs apiculteurs capables de produire du miel avec des cheptels de grande taille et ainsi contribuer au repeuplement des abeilles. La disparition de ces insectes mellifères absolument nécessaires à la pollinisation est un véritable problème de société, vous le savez. Et puis un crâne dictyosaure marin fossile géant qui avait été découvert dans un champ du centre de l'Angleterre en 1955 a été étudié pour la première fois. Le fossile du reptile qui mesure presque 1 mètre de long est vieux de plus de 200 millions d'années grâce à l'utilisation d'une technologie d'imagerie médicale de pointe. Des scientifiques de l'université de Manchester ont pu reconstruire son crâne entier en 3D. C'est la première fois qu'une telle reconstruction numérique du crâne d'un grand reptile marin est mise à la disposition du public et à des fins de recherche. Bien que des milliers de fossiles d'ichthyosaures aient été découverts au Royaume-Uni, ce spécimen est particulièrement important en raison de son excellent état de conservation. Allez, on va essayer de trouver un sens à la vie dans un instant. Dossier de la tête au carré. I see the kids, them running on by. And that girl in the summer dress with the sunshine smile. I hear the birds, they're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. Busy bee watching the world singing. Left my home and I flew east over North Sea. Life's just beginning, I'm breaking free. On the ninth street with the sun on my back. Yeah, yeah. Knock for Ruben, come kill some time on the hair and grab. Busy bee watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy bee watching the world, singing. This is how it feels when a good day comes along. Sometime on the hair and crack. Busy bee watching the world. Jonathan Jérémy avec Good Day à l'instant. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Pour trouver un sens à sa vie, vaste question donc posée avec nos invités dans cette tête au carré et en partenariat avec le magazine Cerveau Psycho. Mes invités Jean-Luc Bernot et Sébastien Boller. Jean-Luc Bernot, vous êtes professeur des universités en psychologie au CNAM à Paris et président de l'Association française de psychologie existentielle. J'ignorais que ça existait en réalité. Eh bien oui, mais si on regarde sur le plan international, la psychologie existentielle existe depuis au moins une cinquantaine d'années, ouais. En particulier dans des pays développés, hein, comme les États-Unis, le Canada, l'Autriche, l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc il y a un véritable courant, ouais. Avec des recherches fondamentales, des recherches appliquées. Un mouvement discret en France encore quand même, non ? Discret en France, on a pris un petit peu de retard effectivement, mais on s'attelle à rattraper ce retard et puis à développer des travaux. Donc grâce à vous, on va se poser des questions existentielles, ça tombe bien. Et Sébastien Boller est avec nous également pour y répondre, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Déjà beaucoup de messages, de réactions des auditeurs. On s'en doutait parce qu'on est tous finalement, Sébastien, interpellés par cette simple question et vous avez eu raison de la mettre à la une parce que quand on lui donnait un sens à sa vie, immédiatement tout le monde commence à entrer en introspection quasiment. Hein. Oui, parce que cette question, on attend tous le moment de se la poser et on a peur aussi du moment où on se la posera parfois parce qu'on recule parfois l'échéance. On est entraîné dans des vies qui sont souvent prises dans des valeurs qui nous sont projetées de l'extérieur ou qui sont vouées aux automatismes, aux routines. Et puis, on sent quand même parfois qu'il y a quelque chose qui frotte, qu'il y a une cohérence qui manque. Et on sent qu'il faudra se confronter à cette question. Donc, au moment où on la voit, on se dit peut-être que c'est le moment. Ouais, peut-être que c'est le moment. Voilà. Et ça fait mouche, hein, d'où l'idée de le mettre à la une, ouais, évidemment. Hein, parce que les mots ont leur importance. Et effectivement, Jean-Luc Bernot, tout le monde se questionne sur le sens qu'il peut donner à son existence. Hein. Je crois qu'à un moment ou à un autre, personne n'y échappe. C'est absolument incontournable. Alors, plus particulièrement à certains moments de la vie, c'est-à-dire dans les moments de transition, dans les moments où on ressent de la souffrance, dans les moments où on doit évoluer, où on doit faire face à des situations nouvelles. Mm-hmm. Ces questions-là nous arrivent en pleine face et on doit les prendre à bras-le-corps, effectivement. Alors, parfois, on les oublie aussi parce que c'est confortable de ne pas penser à ces questions-là. Ça peut être dérangeant pendant un temps de les oublier, mais de toute façon, elles nous rattrapent. Oui. Qu'on le veuille ou non. Et puis, j'imagine des périodes de la vie où on se sent aussi suffisamment bien peut-être pour ne pas se la poser, cette question, non ? Oui, certainement. On peut traverser des périodes de vie où il faut tout simplement vivre de façon épicurienne, profiter de la vie, avancer dans la vie sans toujours se poser des questions non plus. Il ne faut pas qu'il y ait une obsession du sens. Ce serait tout à fait dommageable pour l'individu. Oui. Beaucoup d'articles sont publiés sur cette question-là aujourd'hui, Sébastien, parce qu'on a beaucoup parlé du bonheur, du bien-être. Oui. Il y a vraiment aujourd'hui cette quête du sens qui émerge très très fort. C'est ça qui m'a surpris au départ. C'est ce que me disait Jean-Luc Bernot, c'est qu'on en est, je crois, à 8000 articles publiés de science. Hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est amusant avec cette question, c'est qu'on se dit que c'est une question philosophique, et c'est vrai. Mais quand on regarde ce qui est fait scientifiquement, on se rend compte que c'est devenu aussi une question scientifique avec les approches de la science habituelle, la science expérimentale. Mais alors comment on fait pour expérimenter le sens à la vie précisément Eh ben il y a les techniques classiques de la psychologie par entretien par exemple, voilà, distribution de questionnaires standardisés, essayer de repérer des grands facteurs qui peuvent rendre compte du fait qu'on sent que notre sens a notre vie a un sens ou pas. Mmh. Et puis après il y a des mesures physiologiques qu'on peut faire aussi pour voir s'il y a un effet protecteur sur la santé. Enfin, voilà. Jean-Luc Bernot, donc un vrai sujet de science. Hein. Oui, et on peut utiliser toute la palette des méthodologies en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire aussi bien des approches qualitatives avec des techniques phénoménologiques, avec des approches renouvelées aussi comme l'entretien socratique par exemple, avec des récits de vie, mais aussi des techniques plus quantitatives qui peuvent aller effectivement du questionnaire aux méthodes expérimentales ou quasi-expérimentales pour étudier comment le sens se développe et comment chez l'individu ça prend corps, quel rôle peut jouer par exemple les expériences de vie dans la construction du sens. Donc on a tout un ensemble de données particulièrement passionnantes pour comprendre cette thématique du sens. Alors on a Claire qui nous a écrit la première sur le site de l'émission qui nous dit « Est-ce que vous pourriez citer Viktor Frankl, 1905-1997, professeur de neurologie et de psychiatrie à la faculté de médecine de Vienne et son approche psychologique et psychiatrique, la logothérapie, malheureusement trop peu connue en France. » Évidemment, c'est un nom qu'on trouve tout de suite dans le dossier sur ce thème du quête du sens de la vie. Sébastien Boller. C'est un immense monsieur, Viktor Frankl, mais qui effectivement est très très peu connu chez nous. Il a commencé en fait sa pratique aux États-Unis, hein, si je ne m'abuse, après avoir connu l'enfer des camps, puisqu'il est rescapé de plusieurs camps de concentration, que c'est dans l'enfer de la captivité et de la souffrance qu'il a développé cette réflexion sur le besoin de sens comme quelque chose qui justifie l'existence, qui permet aussi de traverser les conditions extrêmes de l'existence. Et j'ai pas une citation précise en tête, mais on va l'écouter dans un instant, on va entendre sa voix. Il a vraiment donné une impulsion existentielle dans le contexte de la psychiatrie aussi. Parce qu'évidemment, la dimension existentielle était déjà présente chez les philosophes depuis très longtemps. Mais lui a vraiment projeté ce questionnement dans le XXe siècle et dans les totalitarismes notamment. Ouais. Jean-Luc Bernaud, la logothérapie alors ? Alors, la logothérapie, c'est un peu étonnant. C'est une forme de psychothérapie, mais un peu particulière, qui est dérivée effectivement des travaux de Viktor Frankl, qui s'est beaucoup implanté dans les pays de langue allemande, en Allemagne et en Autriche, puisque Frankl est autrichien à l'origine. Et donc, il y a vraiment une pratique très structurée qui s'est développée. Et puis, c'est arrivé en France plus récemment, avec quelques courants qui essayent de développer des travaux, qui développent aussi des formations. C'est aussi une démarche qui est bien étayée par des travaux scientifiques assez précis, notamment sur des études d'efficacité qui montrent que la logothérapie est efficace pour résoudre principalement les questions de crise de la vie. Le mi-temps de vie, par exemple, ou comment on fait face à la retraite, ou à la maladie, ou à parfois même aux soins palliatifs, vous voyez, enfin toutes ces questions qui peuvent être un petit peu douloureuses, où il faut essayer de redonner du sens, redonner de l'espoir, redonner quelque chose qui va permettre à l'individu d'avoir de la consistance pour affronter les situations auxquelles il doit faire face. Voilà, Viktor Frankl, donc l'homme incontournable dans ce thème du sens donné à la vie. On va entendre sa voix, qui avait été enregistrée en 1985 pour la télévision sud-africaine. Le facteur décisif, c'est la décision, la liberté de choix en dépit des conditions. Je veux agir librement comme un être responsable, c'est-à-dire comme un être humain, malgré les pires conditions. Songez à ceux qui ont vécu des années durant comme prisonniers dans des camps pendant la guerre. Il y a un corpus entier de littérature psychiatrique à ce sujet sur les camps de concentration. Ce que l'on doit faire savoir, c'est que les gens sont libres. Et si vous observez et étudiez la vie de ces gens avec un regard détaché de scientifique, vous voyez des êtres totalement déterminés et soumis à ces conditions sans voir la liberté et la responsabilité. La responsabilité d'eux-mêmes, la responsabilité de faire quelque chose. Le désespoir, c'est la souffrance dépourvue de sens. Tant qu'un individu ne peut trouver aucun sens à son désespoir, il sera certainement plongé dans la souffrance, voire poussé au suicide. Mais à l'instant où il voit un sens à son désespoir, il peut le transformer en accomplissement. Il peut transformer sa tragédie en triomphe personnel. Voilà, Jean-Luc Bernaud, en 1 minute 30, là, on a une densité de propos absolument étonnante dans cette voix, justement, celle de Viktor Frankl. Oui, je crois qu'il évoque un sujet qui est extrêmement important, qui est celui de la liberté, et qu'on retrouve chez beaucoup d'autres spécialistes, en particulier, je pense à Irving Yalom, qui est un grand spécialiste américain de la psychothérapie existentielle, qui a écrit des ouvrages absolument délicieux sur cette question, qui sont bien illustrés, qui expliquent bien comment on travaille avec les patients dans cette perspective. Et pour Yalom, c'est une des préoccupations intime, un des éléments fondamentaux. Mais ça veut dire quoi alors, derrière cette liberté, ça veut dire quoi alors ? On vit dans une société qui est quand même... La quête du sens, c'est essayer de trouver son autonomie au fond, quand on parle de liberté, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans une société qui est faite d'injonctions, de prescriptions, de normes, de règles. C'est pas évident d'arriver à trouver son propre sens dans ce milieu-là où on vous dit ce que vous avez à faire. Et donc... C'est un peu une problématique aussi sartrienne quelque part, c'est-à-dire s'emparer de cette liberté. Nous avons beaucoup plus de liberté que nous le pensons, mais parfois on a un peu de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on n'assume pas cette liberté, on n'ose pas aller jusqu'au bout des choses, on n'ose pas prendre la responsabilité. Et donc donner du sens à sa propre vie, c'est effectivement un enjeu fondamental. Ça veut dire concrètement, si vous êtes placé dans une situation, par votre métier par exemple, où on vous impose de tenir un certain discours, par exemple vous parliez de personnes dans des entreprises qui sont obligées de tenir un discours à des clients et qui n'ont pas le droit d'être authentiques, vous le disiez, parce qu'il y a le discours officiel de l'entreprise, à ce moment-là la liberté elle est où? C'est d'aller voir son supérieur, d'en parler, de dire je me sens mal par rapport à ça, voire de quitter son emploi. Qu'est-ce que où vous situez la liberté? Certainement, en tout cas quand on est face à ce qu'on appelle un conflit de valeurs, on peut pas en rester là. C'est-à-dire que c'est de toute façon pour l'être humain ingérable. Donc soit on va tomber Dissonance au fond. C'est une forme de dissonance. Ouais. Oui, c'est une forme de dissonance. Donc soit on va tomber en dépression, soit on va claquer la porte, soit on va tomber dans une sorte de conflit larvé. Donc il faut effectivement en parler, agir, comprendre, et puis ensuite effectivement prendre les décisions qui s'imposent. Allez, on va se retrouver dans un instant pour poursuivre cette discussion avec beaucoup de messages et de témoignages très intéressants de la part de nos auditeurs qui nous écrivent en ce moment même sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Le temps d'écouter ensemble Gaël Faye et Flavia Coelho avec une balade brésilienne. Bon après-midi sur France Inter. La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches. On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches. Demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degré dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine, c'est la luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y a de l'humour dans l'air. Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour. É que a situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, a lua cheia. O seu perfume é da China ou de Paris. Você torce pro PSG. E diz aí o que falta pra tu ser feliz. Sol, vento na cara, chope gelada. Sandália, mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia, e cair na gandaia, nas ondas do amor. Allonger la tête dans les nuages, la nuit est bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile, oh, peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse. Où sont passés les temps sereins, ont rien de porté à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter. Voilà le chanteur écrivain Gaël Faye avec Flavia Coelho à l'instant. La tête au carré. Arrivé au terme de cette première période de notre vie, nous avons tous tendance à vouloir nous remémorer les choses agréables et à oublier les moins agréables. Et bien sûr, nous pensons à l'avenir. Avec une certaine inquiétude, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir d'ici 10 ans? Je vous en prie, ne vous faites pas tant de soucis. Au bout du compte, aucun d'entre nous ne reste bien longtemps sur Terre. La vie est éphémère. S'il vous arrive d'être triste, regardez le ciel un beau soir d'été. Lorsque la nuit de velours est parsemée d'étoiles, et quand vous verrez une étoile filante déchirer l'obscurité, changeant la nuit en jour, faites un vœu que votre vie soit spectaculaire. Merci. Voilà, tout ça, la sauce américaine, le film Jack de Francis Ford Coppola, à coups de sanglots longs de violon, pour parler donc du sens à donner à sa vie. Robin Williams, donc, à l'instant, qui parlait à ses anciens copains, justement, d'université. Et nos amis Jean-Luc Bernaud et Sébastien Boller pour, justement, répondre à toutes ces questions sur le sens à donner à sa vie. Une réaction, Jean-Luc Bernaud, sur ce qu'on vient d'entendre? C'est magnifique parce que ça nous touche à travers la thématique de l'émerveillement qu'on oublie un peu quand on devient adulte et effectivement être capable de s'émerveiller face à la beauté du monde, face à l'incertitude, face à ce qu'on va devenir, c'est aussi un moyen de s'emparer de la question du sens de la vie. Brice nous écrit parce qu'il y a beaucoup de messages donc je voudrais vous les transmettre sur franceinter.fr. Pour moi, dit-il, une chose est essentielle pour que notre vie ait un sens. Il faut se sentir utile. C'est pour cela que les personnes âgées en maison de retraite perdent souvent le goût de vivre. Cet altruisme peut s'inscrire d'ailleurs dans une spiritualité ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on a quand même aujourd'hui pas mal de données scientifiques, d'enquêtes qui ont été réalisées dans différents pays qui montrent qu'un des facteurs vraiment importants qui donne du sens à la vie, c'est la dimension de la relation aux autres dans sa dimension aussi altruiste, c'est-à-dire très important de cultiver l'amitié, l'amour, la qualité des relations sociales dans le travail. C'est vraiment un facteur tout à fait prédominant. Et la transmission, le fait de donner est aussi un élément qui va jouer un rôle important sur soi. Et ça renvoie, vous savez, à une pensée que j'aime beaucoup, qui est celle d'Emmanuel Lévinas, le philosophe, qui dit qu'on est responsable des autres. Donc on est aussi responsable du sens des autres. Et on a cette mission-là, en arrivant sur Terre, de ne pas se préoccuper seulement de soi, mais aussi d'autrui. Et c'est ce qui va aussi nous donner du sens pour nous. En retour. Sébastien Boller, justement, dans ce cerveau psycho, il y a plusieurs noms de psychologues qui ont travaillé sur cette question, dont une autrichienne encore, Tatiana Schnell, qui elle propose des critères très définis pour évoquer justement le sens qu'on peut donner à la vie. Oui, alors ça c'est sur la base d'entretiens menés avec des échantillons d'une centaine de personnes. Elle a construit un modèle, c'est-à-dire en psychologie, on aime bien construire des modèles, c'est-à-dire sur la base des réponses qui sont données par des échantillons de personnes, essayer de voir quels sont les grands facteurs qui expliquent un petit peu la diversité des profils. Et dans son modèle, il y a plusieurs ingrédients qui sont importants pour donner le sens à la vie. Et il y a notamment, alors, on a parlé tout à l'heure de l'utilité, ce qui se retrouve un petit peu peut-être dans la notion d'appartenance, le fait d'appartenir, de se sentir appartenir à un groupe, à un tissu social. Voilà, il y a aussi l'idée de ce qui peut s'appeler la signifiance, c'est-à-dire qu'apparemment on déteste avoir l'impression que ce qu'on dit ou ce qu'on fait n'a aucune importance. Je trouve que c'est ce qui se retrouvait un petit peu dans la phrase de Robin Williams tout à l'heure quand il disait faites en sorte que ce soit spectaculaire. Alors c'est un peu à la sauce américaine, mais quelque part c'est un peu la préoccupation de beaucoup de gens, c'est-à-dire de laisser une trace quand même. Qu'il y a un écho. C'est-à-dire que notre existence soit pas quelque chose de complètement arbitraire et contingent, c'est-à-dire que ne compter pour rien ou pour personne, c'est insupportable. Et on aime bien se dire qu'on laisse au moins quelque chose. C'est l'idée qu'on retrouve parfois dans le terme de générativité aussi, qui semble être quelque chose de très important dans la perception du sens. Et puis un des troisièmes facteurs qui est la capacité de percevoir des buts, des intentions, une direction. Et c'est vrai que les buts aident beaucoup à vivre. Mais alors, moi j'ai un petit peu eu l'impression que on peut très bien avoir du sens en ayant un ou deux de ces éléments et pas forcément tous. Heureusement, par exemple, je crois que certaines personnes peuvent avoir l'impression d'avoir un sens à leur vie sans être forcément utile. On peut très bien avoir le sentiment d'avoir des buts personnels, de se réaliser ou simplement d'être entouré sans forcément avoir une véritable utilité. Donc il ne faut pas se sentir obligé de remplir toutes les cases. Voilà. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord, Jean-Luc Bernaud, avec ce modèle de recherche de sens. Oui, heureusement, la pensée scientifique, c'est le débat, c'est la confrontation d'idées, c'est l'émulation. Donc aujourd'hui, il y a une vraie compétition des chercheurs sur les différents modèles de sens. Il y a 4 ou 5 modèles en compétition. Bon, on ne sait pas très bien encore qui va l'emporter. mais je trouve ça plutôt intéressant parce que ça permet en même temps de, voilà, de discuter entre nous, de voir ce qui peut être heuristique. Et puis, je crois qu'il y a une chose très importante quand même qu'il faut bien comprendre, c'est que les modèles, ça nous aide à comprendre le monde, ça nous aide à comprendre comment les individus fonctionnent, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension idiosyncrasique, c'est-à-dire une problématique propre à chaque individu. Et on ne peut pas toujours, avec un modèle qu'on va plaquer, comprendre la dynamique et l'histoire d'un individu qui est extrêmement riche, qui est singulière. Et c'est déjà évoqué par Alfred Adler, qui est un grand nom aussi quasiment contemporain de Frankl, autrichien, qui a été un des premiers à écrire sur le sens de la vie, et qui a particulièrement souligné le fait que c'était important de prendre en compte l'individu dans sa singularité. On ne peut pas comprendre le sens avec un modèle plaqué. Dans sa complexité aussi. Oui, mais il faut écouter chaque individu dans sa dynamique. Alors, beaucoup de questions et beaucoup de réactions aussi sur justement cette idée de transmission et de passage à l'enfant, entre autres. Nicole nous dit pour cette émission, c'est pas toujours facile quand on n'a pas d'enfant, qu'on n'en aura jamais, mais trouver un sens pour moi, ce serait la transmission à ce que j'aime, à mes élèves, que je trouve beau, intéressant. Ouvrir des petites fenêtres dans les têtes après, regarde qui veut et chacun y voit aussi ce qu'il veut en bien ou pas. Ça revient beaucoup, ça, effectivement, dans les témoignages. C'est une question importante. Vous savez, ce qui est important, c'est finalement, c'est pas le statut qu'on a ou le rôle qu'on a, c'est le type de rapport qu'on va avoir avec le monde. Donc c'est pas le fait d'avoir des enfants ou le fait d'être engagé socialement qui compte. C'est quelle signification, quel type de rapport on va avoir avec ces activités-là, comment on va le vivre, comment on va le faire vivre, comment on va le comprendre. Ça, c'est fondamental pour pouvoir avancer dans la vie. Sébastien ? Alors, la transmission, ça revient très très souvent, effectivement. Ça rejoint un grand corpus, je crois, de recherches qui ont été menées aux États-Unis depuis une trentaine d'années et qui ont eu un immense coup de fouet après les attentats du 11 septembre, qu'on appelle justement de la psychologie existentielle expérimentale. Oui. Il y a eu trois psychologues aux États-Unis, Solomon Greenberg et Pixinski, qui ont développé beaucoup ce courant de réflexion, qui disent que, fondamentalement, ce qui crée notre besoin de sens, c'est l'angoisse de l'anéantissement. C'est-à-dire qu'au moment où on se rend compte, et on le fait à différents âges de la vie, que effectivement, comme le disait l'extrait tout à l'heure, notre vie est brève. Quand on prend conscience de ça, le psychisme se défend de diverses façons. Et notamment en essayant d'imaginer des prolongements à son existence, c'est-à-dire soit à travers un groupe, soit à travers une identité nationale notamment, ça c'est un des replis possibles, ou transmettre d'une façon ou d'une autre. Et je crois que c'est une façon, quelque part, de conjurer la mort, que de se dire on va faire passer quelque chose de nous qui va perdurer. Ça permet de faire en sorte qu'on se dit il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui a un sens. Voilà. Alors les enfants, évidemment, sont les premiers en cause là-dedans. Et alors ce qui est intéressant, c'est que moi je me souviens quand même d'études qui ont fait du bruit à l'époque où ça a commencé à être diffusé, c'est que la satisfaction de vie en tant que telle n'augmente pas forcément quand on a des enfants, notamment au-delà du deuxième enfant. Il y a la fatigue, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Et malgré ça, il semblerait que le sens qu'on trouve dans cette transmission est plus important que la satisfaction ou que le confort de vie. Et ça rejoint des constats qu'on a fait à travers le dossier sur ces expériences qui montraient que quand vous laissez le choix à des gens entre une existence pleine de satisfaction, d'émotions positives, mais un peu vide de sens, ou le contraire, une expérience dure, mais ouais, avec du sens, la plupart du temps, les gens choisissent la vie dure, mais qui a quand même du sens. Jean-Luc Bernaud. Oui, c'est une question extrêmement importante, notamment la question du rapport à la mort, la question des origines, la question de l'évolution de l'espèce humaine, que va-t-on devenir, la fin de l'univers. Enfin, vous voyez, ça renvoie à des questions physiques, métaphysiques, extrêmement nombreuses. Mais c'est par ça que commence le dossier, d'ailleurs. C'est allongé sur la pelouse, en train de regarder le ciel étoilé, de se dire, au milieu de cette immensité, quel sens on donne à notre petite existence. C'est ça. Et nous sommes des êtres humains, donc nous devons nous débrouiller avec ces questions-là, maladroitement. On fait pour le mieux, et c'est des grandes expériences de vie qui vont aussi nous construire, par rapport auxquelles on a beaucoup à dire. Dominique nous dit, j'ai 67 ans, je travaille toujours, ça me passionne, dans la protection de l'enfance, et je tarde à envoyer mon dossier retraite tant que je n'ai pas trouvé de quoi ensuite faire, de quoi faire, et ce qui trouvera un sens justement à ma vie. Alors, effectivement, la retraite, c'est vraiment un moment charnière, justement, pour oui, ça. Oui, c'est très important. Alors, on s'intéresse dans nos laboratoires, par exemple au Conservatoire National des Arts et Métiers. On travaille pas seulement sur le sens de la vie, mais aussi sur le sens du travail, sur le sens de la retraite, sur le sens des apprentissages, parce qu'il y a des domaines spécifiques qui peuvent faire l'objet d'études et d'une meilleure compréhension. Vous avez une étudiante qui travaille spécifiquement sur la retraite, je crois, en ce moment, d'ailleurs. Bien sûr, on a plusieurs étudiants qui travaillent sur les transitions travail-retraite. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des dynamiques qui sont complètement différentes. Il y a des situations qui se passent bien, d'autres qui se passent vraiment mal. Et il faut essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est en jeu. Alors, quand ça se passe mal, c'est justement un manque de sens qu'on n'a pas trouvé Souvent, le sens s'invite dans l'affaire. Après, vous savez, il y a une multitude d'éléments qui entrent en interaction. Le sens n'est pas la clé qui explique toutes les raisons et toutes les dynamiques, mais ça fournit en tout cas un élément explicatif extrêmement intéressant. François nous dit, croyez-vous vraiment que cette question importante empêche de dormir la majorité de nos frères sapiens quand je vais dans une grande surface ou que je me risque dans le métro? Ça n'est pas l'impression qui domine depuis Suran. On sait parfaitement que la vie n'a aucun sens. Réflexion désabusée un peu, non? Bien sûr, c'est à nous de construire ce sens, en tout cas. La vie quotidienne, en tout cas, nous ramène pas vers le sens. Hein. C'est une vie frénétique où on passe son temps à consulter son portable, où on passe d'un wagon de métro à un autre, où on est très pris par le travail, par la famille. Donc, effectivement, ces questions de sens, elles sont très profondes, mais dans le quotidien, on se les pose pas, en fait. On va se les poser à des moments de recul, à des moments douloureux, ou à des moments où on va avoir envie d'investir ces sujets. Ouais, justement, Jennifer nous dit, paradoxalement, jusqu'à ma maladie, je n'ai jamais pensé à donner un sens à ma vie. C'est justement le cancer, surtout la guérison, qui me conduisent à cette interrogation. Quel sens à ma vie? Donc voilà une illustration de ce qu'on vient de se dire. Sébastien Boller. Ah ben oui, ce sont dans des moments charnières que souvent se pose le questionnement existentiel. Et effectivement, beaucoup en soins palliatifs ou dans des situations de thérapie à la limite. Aussi, on a parlé de la retraite et ce dont parlait Jean-Luc Bernaud dans le dossier, c'était aussi la quarantaine. Oui. Ça existe vraiment, ça, cette crise de la quarantaine? Oui, il pourra très bien nous en parler parce que il nous l'a très bien expliqué dans le dossier. C'est que c'est un moment où on a réalisé un certain nombre de choses et on se retourne un petit peu. On se dit, est-ce que finalement ça correspond à ce que je voulais faire? Est-ce que c'est en phase avec mes valeurs? Il y a une dimension d'authenticité, de cohérence interne. Et on se dit, il est peut-être encore temps de voir si mon vrai sens n'est pas ailleurs. Eh bien, on en discute, on poursuit en tout cas cette discussion dans un instant, juste après Manhattan et Yves Simon, petit souvenir de l'année 1974. Dans les rues de Central Park, il y a des noirs portoricains qui bing-bong disent style band et puis frappent avec les mains. Manhattan, Manhattan, dans la 42e rue, y'a Ken, Jerry et Sandra qui vendent avec leurs charrettes des bretzels et du coca. Manhattan, les sirènes de la police rappellent Klein et Bonnie, mais c'est pas du cinéma. Quand ils frappent, c'est comme ici. Petite Italie, des femmes causent sur le trottoir pendant que leur mari conspire autour des billards. Manhattan, Manhattan, sur un trottoir de Harlem, des petites filles sautent à la corde près d'un piano déglingué qu'on décharge d'une vieille Ford. Manhattan, Manhattan, Au carré sur France Inter. Quand on est petit, on se dit que plus tard on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. Avec un ami d'enfance, quelque chose nous a poussé à réaliser ce rêve de gosse. Je venais de finir un film sur l'accès à l'eau en Inde, et lui, il travaillait dans le marketing, pour faire croire aux Américains que l'eau en bouteille était un produit de luxe. Moi, j'étais bien dans ma bulle à Manhattan. J'avais décroché le job de mes rêves, mais la vie m'a rappelé à l'ordre. Alors que je me prenais pour Michael Jordan dans mon couloir, j'ai glissé sur le ballon et je me suis cassé le pied. Surtout qu'au même moment, la crise financière a éclaté. Ce jour-là, le monde entier a réalisé que la cupidité de quelques-uns compromettait notre avenir à tous. J'étais maintenant persuadé que ce système était incapable de résoudre les crises qu'il avait engendrées. En vendant de l'eau à Manhattan, moi aussi je faisais partie du problème. Mais qu'est-ce que je pouvais bien faire ? J'ai eu peur de sombrer dans le cynisme ou dans la dépression. Alors j'ai préféré tout quitter pour chercher des réponses à mes questions, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Voilà, ça c'est un film documentaire qui s'appelle Enquête de sens, ça tombe bien, sorti en 2015. C'est une sorte de road movie d'une génération désabusée avec Marc de la Ménarrière et Nathanaël Coste, hein, qui incarnait justement ces deux personnages qui viennent d'être décrits. Et nos invités Jean-Luc Bernaud cet après-midi et Sébastien Boller avec Cerveau et Psycho pour parler donc de ce thème de la recherche de quête de sens. Ça arrive souvent justement que en recherche de quête de sens, les gens changent totalement de vie, Jean-Luc Bernaud. Oui, il y a des situations qui sont qualifiées de rupture même, ouais, fortes, et qu'on essaye de comprendre d'un point de vue sociologique aussi, hein, ouais, parce que le sens, c'est pas simplement une question psychologique. On peut essayer aussi de tracer des fonctionnements plus générationnels ou plus généraux. Et effectivement, il y a des ruptures assez brutales parfois, mmh, qui s'observent, des changements de carrière. Alors, ce qui est très tendance, par exemple, actuellement, ce qu'on rencontre, nous, dans les consultations d'accompagnement ou sens qu'on mène au CNAM, c'est, ouais, des personnes qui viennent du milieu des affaires, du business, du consulting, etc., qui vivent plutôt dans des zones très urbanisées. Mmh. Donc, le francilien, ouais, voilà, et qui a envie vraiment de changer radicalement, c'est-à-dire d'aller élever des chèvres ou de revenir à la campagne, d'aller vers du bio. Ouais. Mais ils le font vraiment ? Il y a le passage à l'acte. C'est compliqué parce que ça demande l'adhésion de la famille, ça demande de mettre en place tout un ensemble de processus, d'ajustements, de soutien financier, sociaux, etc. Donc c'est pas simple, c'est des bouleversements importants, mais quand c'est réussi, c'est de belles aventures. Oui, vous nous citiez ce résultat d'un sondage de l'APEC là, qui disait que 84% des cadres franciliens souhaitaient quitter leur région. C'est quand même le signe d'un... C'est énorme, hein. Il y a quand même une insatisfaction chronique, là. Regardez le fonctionnement des transports en commun, la vie frénétique, le fait d'être vraiment pris parfois dans un jeu, dans une sorte de piège, ouais, dont il faut pouvoir s'extraire. Alors, donc là, on a la dissonance interne qui nous donne un petit signal, quand même. Alors, parfois, c'est une illusion, parce que l'idée, vous savez, selon laquelle l'herbe est plus verte ailleurs, parfois, est un peu trompeuse. C'est-à-dire, il faut aussi vraiment prendre le temps de penser, ouais, le projet, ça, et de construire véritablement. Éviter le coup de tête, hein, et de tout plaquer, voilà, du jour au lendemain. Mais l'épidermique. Il y a quand même cette perte du sens au travail, Sébastien, hein, qui est très présente, aussi dans le dossier, là, avec un terme, le brown out. Oui, alors le burn-out. Un nouveau terme. Moi, j'ai découvert encore. Ça, voilà. Ouais, j'ai, j'en étais après resté, le burn-out. J'étais resté au bore-out. Le bore-out, le burn-out, le bore-out. Et maintenant, et le burn-out. Alors ça, je crois que c'est l'expression de Michael Graeber dans son livre sur les bullshit jobs. Les boulots à la con. Voilà. Ah. Alors lui il allait jusqu'à prétendre que 80%, je crois, des travaux, des emplois dans les bureaux étaient dépourvus de sens, complètement dépourvus de sens, ne, ouais, servaient à rien. Et que le premier signe auquel on les reconnaissait, c'est que les intéressés savaient très bien que ça ne servait à rien. Ouais. Bon, ils se sentent pris dans des structures, des organigrammes à rallonge, des structures tentaculaires, des multinationales, des fonds de pension gérés par des actionnaires qu'ils ne voient jamais, par des patrons dont ils ne comprennent pas les ordres, ou pour faire des produits dont ils ignorent la véritable nature. Donc là, au bout d'un moment, on comprend que on touche quelque part à une logique du cerveau humain, c'est-à-dire le besoin quand même de comprendre les tenants et les aboutissants, quoi. Ouais. Savoir une chaîne de causalité très simple. Je prends des graines, je les sème, je fais pousser des carottes, je les vends. On comprend, il y a un sens parce que ça tient dans un cerveau, voilà. Ouais. Mais quand vous êtes dans une structure où les étapes sont illimité. Et vous savez même pas quelle est la complexité du produit qui va en ressortir. C'est des actions compliquées en banque. Vous n'avez pas les billes en main. Ouais. Là, vous pouvez être dans une perte totale de contrôle. Alors, le sentiment de perte de contrôle, c'est important aussi dans la ouais. perte de sens. Et là, ça peut donner lieu à des disjonctements complets, quoi. Jean-Luc Bernaud. Cette problématique de perte du sens du travail a véritablement explosé en France ces dernières années. C'est vraiment très frappant de voir que ça touche beaucoup d'organisations, mais aussi des associations et le service public. Enfin, personne n'est épargné a priori. Et c'est lié aussi au fait qu'on a la mondialisation, on a tout un ensemble de phénomènes qui déshumanisent l'entreprise, voire qui parfois néantissent des individus. Et donc, il faut prendre ces questions très au sérieux, en sachant que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que la perte de sens du travail, c'est pas un facteur génétique qui l'explique. Les facteurs individuels interviennent très peu. Ce sont en fait essentiellement les conditions de travail, la façon dont l'organisation se structure et développe une culture, et puis aussi la responsabilité du management. Donc il y a tout un ensemble d'études qui insistent sur le fait qu'il faut aussi prendre soin du sens du travail en développant des approches managériales qui sont efficientes. Et c'est pas par hasard si, par exemple, HEC, qui est quand même la première école de management en France, a créé récemment une chaire sur le sens du travail. Et il y a tout un ensemble de phénomènes qui montrent qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation pour développer ce qu'on appelle le management par le sens. Ouais. Alors, Jean-Luc Bernaud, ce qu'on peut dire aussi à ce stade quand même de notre discussion, c'est qu'il y a des individus qui n'ont pas du tout envie de se poser cette question du sens du travail et que cette question n'a aucun sens particulier pour eux, justement. Mais heureusement que cette liberté existe. Il faut surtout pas qu'il y ait d'injonction au sens, à se mobiliser sur le sens, forcément. On peut très bien évacuer cette question pour soi-même, parce qu'elle n'est pas d'actualité ou elle n'est pas pertinente. Simplement, on doit quand même s'en préoccuper un peu pour les autres. Parce que, encore une fois, on a une responsabilité envers les autres, envers nos enfants, envers nos collègues, envers nos voisins, envers tous les acteurs qu'on côtoie. Parce qu'on sait que si on est pourvoyeur de sens, si on aide au dialogue, si on aide à comprendre le sens tel qu'il peut s'exprimer chez autrui, on va œuvrer dans un sens plus humain. Beaucoup de témoignages encore pour terminer. Edith qui nous dit très beau sujet, malheureusement très peu de gens ont ce questionnement. Ce qui guide, c'est plutôt l'envie, être comme tout le monde, donc être frustré, agressif ou alors avoir le pouvoir sur autrui. Bref, dit-elle, il y a du boulot. Et puis Alain de son côté nous dit j'écoute votre émission pendant que mon épouse est à l'hôpital. Ce que je pense, c'est qu'à 70 ans, vivre la vie, tout est encore soutenu par l'amour, le partage avec les enfants, des moments plus difficiles. Seuls, nous ne sommes rien. Ensemble, nous découvrons une autre dimension, justement, celle de la vie. Donc toujours cet aspect collectif, finalement, Sébastien aussi. Ah bah oui, je pense que l'être humain vit à travers ses liens. Hein, donc, mais sur la capacité de vivre sans se poser la question du sens, je pense qu'il y a deux aspects. C'est-à-dire que d'une part, c'est bien d'avoir de l'insouciance, et je pense qu'on quand on est jeune, par exemple, on peut être moins amené à se poser la question du sens que quand on atteint des âges plus avancés. Hein. Ça c'est étayé par les études. Et puis, il y a d'autre part le fait que parfois, on se pose pas la question du sens parce que on y renonce, parce que c'est impossible. Je pense à la pléthore d'informations contradictoires, au monde surchargé d'informations dans lequel on vit, où comprendre ce qui est digne de sens, ce qui est digne de foi, devient, notamment pour les jeunes générations, parfois impossible. Et donc, on arrive à ce moment-là dans ces profils que Tatiana Schnell appelle les indifférents existentiels, et qu'elle estime à peu près la moitié de la population des jeunes en Allemagne, par exemple, où il y a effectivement l'insouciance qui joue et qui est très saine, et puis peut-être aussi quelque chose de désabusé ou de totalement consumériste, et qui fait que parfois, ben, on va se jeter dans les bras des recettes de sens toutes faites. Ça va être les théories complotistes, ça va être parfois même les mouvements extrémistes, djihadistes. Enfin, donc, on a une urgence sociale et politique à proposer aussi des sens intelligents à travers l'éducation pour ces générations qui en ont besoin. On terminera avec ce message de Géraldine qui nous dit « Pourquoi ne pas juste profiter d'être là? Personnellement, je pense que la vie n'a pas de sens. Nous sommes la vie. » On termine avec cette phrase Jean-Luc Bernaud. On peut terminer aussi avec l'importance de l'amour, de l'amitié, des relations aux autres. Je crois que c'est vraiment absolument fondamental si on veut construire du sens. Et puis renvoyer donc à ce dossier qui s'appelle « Donner un sens à sa vie » et les clés donc de la psychologie existentielle. C'est à la une de Cerveau et Psycho en ce mois de janvier. Merci beaucoup à tous les deux, Sébastien Moller et Jean-Luc Bernaud, d'être venus nous en parler. Merci beaucoup, à bientôt.